franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'est la dernière dictature d'Europe. Une sorte d'anomalie politique au cœur d'un continent apaisé où la démocratie l'a emporté partout, même si les dérives autoritaires d'un pays comme la Hongrie, mais aussi de l'Ukraine, inspire de justes craintes. Cette dictature, c'est celle de la Biélorussie, ou Bélarus, une caricature stalinienne où l'histoire semble figée. Combien de temps l'épaisse moustache d'Alexandre Grigorievitch Loukachenko, une moustache bordurienne qui aurait pu être dessinée par Hergé, pourra-t-elle encore régner sur ce modeste pays de 9 millions d'habitants ? Pour répondre, selon M. X, il faut sans doute regarder du côté de Moscou, dont l'emprise sur la Biélorussie paraît irrésistible. Une véritable colonisation économique qui, forcément, se traduira un jour par des changements politiques. Mais on n'en est pas encore là. Et le Batka, comme il aime à se faire appeler, c'est-à-dire le père de la nation, dirige encore d'une main de fer son petit peuple. Le KGB existe toujours. Bon, non, je ne veux pas vous parler de la Russie où l'ex-centrale soviétique s'est pourtant trouvé aujourd'hui de fidèles successeurs dans les deux services de renseignement poutiniens. Mais c'est en Biélorussie que le KGB se survit. Une police toute puissante qui inspire la peur et use des pires méthodes arbitraires pour mater l'opposition. Comme autrefois à Moscou. Oui, à peu près. Enfin, ce n'est pas, si j'ose dire, le seul anachronisme. La statue de Lénine figure toujours sur de nombreuses places et l'on voit la faucille et le marteau ornés encore de nombreux frontons. Et l'on célèbre, comme dans l'ex-URSS, les fêtes soviétiques. Ouais. Est-ce que ça veut dire alors que la Biélorussie demeure un État communiste ? Officiellement, non. Mais elle en a d'abord gardé les signes extérieurs. Et l'Assemblée nationale s'appelle toujours le Soviet suprême, par exemple. Plus important encore, l'État demeure le premier employeur du pays, même si la propriété privée est autorisée. Toutefois, la principale particularité de la Biélorussie tient dans l'omnipuissance du président. Loukachenko. Hein. Oui, tout procède de lui. Les services publics, les entreprises, les écoles et même les clubs sportifs. Mais surtout, cette toute-puissance, grâce à une administration présidentielle qui lui obéit au doigt et à l'œil, lui permet d'amasser une fortune considérable, hors de tout contrôle. Songez que les fonds très opaques de cette administration seraient supérieurs au budget du gouvernement. Ah oui. Et comment en est-on arrivé là ? Quelques informations d'abord. Une donnée géographique qui explique en partie l'histoire tourmentée de la Biélorussie. Qu'on appelle aussi Bélarusse. Hein. Ouais. Mais en français, l'appellation généralement utilisée, c'est Biélorussie, ce qui signifie Russie blanche. Parce que ses habitants, au temps des tsars russes, étaient censés porter des vêtements de lin blanc. Alors, la géographie. Ce pays, 2,5 fois plus petit que la France, est essentiellement plat et couvert de forêts. Cette absence d'obstacles naturels explique qu'il ait été si souvent le théâtre d'invasions ou de guerres. Oui, de convoitises territoriales. Bon, sans remonter très loin, la Biélorussie a appartenu successivement au Grand-Duché de Lituanie, puis à l'Empire russe et ensuite à l'URSS. Brève éclaircie, en 1918, pendant une petite année, la Biélorussie parvient à l'indépendance. Mais l'armée rouge ne tarde pas à arriver. Le pays est alors divisé en deux. La Pologne hérite de la partie occidentale, tandis que l'autre est rattachée à la Russie et devient l'une des républiques de l'URSS sous la férule de Staline. Une conséquence, là ? Staline impose par la force une russification du pays. La langue biélorussienne est interdite. Les intellectuels sont assassinés et les élites nationalistes sont durement réprimées. Le NKVD, l'ancêtre de la GPU et du KGB, aurait alors massacré 1,5 million de Biélorusses. Et quand vient la Seconde Guerre mondiale ? La Biélorussie, qui a été préalablement réunifiée en 1939 à l'occasion du pacte germano-soviétique, est envahi par les nazis dès la mise en œuvre du plan Barbarossa. Oui, l'invasion de l'URSS. Hein. Oui. La terreur hitlérienne succède à la terreur stalinienne. La Biélorussie est le pays le plus durement touché par la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2 millions de morts, dont 750 000 juifs, soit la presque totalité de l'importante communauté juive de Biélorussie. La capitale, Minsk, a été pratiquement détruite, je crois. C'est exact, tout comme les deux tiers des autres villes. Et la suite ? La Biélorussie est libérée par l'armée rouge en juin 1944, et désormais ses frontières ne bougeront plus, à l'exception d'un territoire de l'Ouest où vit une majorité de Polonais. Qui rejoignent donc la mère patrie. C'est ça. L'après-guerre au sein de l'URSS est relativement faste pour les Biélorusses. Moscou a en effet décidé de faire du pays un grand centre industriel où sont construits des véhicules à partir de pièces qui proviennent des autres républiques. Alors la Biélorussie devient donc un gigantesque atelier d'assemblage. Oui, et grâce à cette activité, le niveau de vie des habitants est supérieur à celui des citoyens des autres républiques de l'Union. C'est un point important. Beaucoup de Biélorusses regrettent aujourd'hui la période soviétique et la prospérité économique de ces années-là. Et leur relatif attachement à la personne de Loukachenko s'explique ainsi. Oui, parce qu'il est un produit de l'ordre ancien. Et que d'une certaine façon, il l'incarne toujours. Selon Brialetai, Tchernobyl. La centrale nucléaire ukrainienne qui a explosé en 1986 se trouve tout près de la frontière nord. Et la Biélorussie est le pays d'Europe de l'Est qui a été le plus exposé à la contamination par les radionucléides échappés de Tchernobyl. Ouais, et ça continue. Hein. Ah ben, un quart du territoire est encore irradié. Ça signifie que des dizaines de milliers d'habitants, peut-être même plus, vivent dans des zones contaminées, d'où une multiplication des cas de cancer et de maladies cardiovasculaires. Mais les autorités de Minsk demeurent extrêmement discrètes à ce sujet. Une n'est pas très recommandée d'en parler. Hein. Vous m'avez même dit que, quand nous avions parlé de Tchernobyl, que des médecins avaient été inquiétés. En effet, ouais. J'ajoute que cette contamination est aussi lourde de retombées économiques. Les produits agricoles de la Biélorussie, autrefois si réputés, ne peuvent plus être exportés. Enfin, poursuivons. La République de Biélorussie devient officiellement indépendante en août 1991. Après le putsch anti-Gorbatchev. Oui, les Biélorusses, comme les Baltes, précèdent l'implosion de l'URSS. Mais le pays adhérera en décembre 1991 à la communauté des États indépendants qui regroupe déjà la Russie et l'Ukraine. Comment se passent les débuts de l'indépendance ? Mal, malgré l'instauration de la démocratie, essentiellement à cause des difficultés économiques. Les Russes ont augmenté le prix du gaz. Or, la Biélorussie, dépourvue de ressources énergétiques, est étroitement dépendante du gaz russe. Bon, à cela, il faut ajouter le coût de la catastrophe de Tchernobyl. Résultat, une inflation galopante, un appauvrissement général et même une vraie crise alimentaire pour tous ceux qui ne possèdent pas un lopin de terre. Ouais, bref, ça commence mal. Et c'est dans ce climat que se déroule la campagne pour l'élection présidentielle de 1994. Ouais, et que va émerger Alexandre Loukachenko. Hein. Loukachenko qui promet de rétablir l'ordre et de résoudre la crise économique. En même temps, le candidat déclare qu'il va s'attaquer à la corruption qui sévit parmi les élites dirigeantes, c'est-à-dire les caciques de l'ère soviétique. Et ça plaît, même si les Biélorusses, dans leur majorité, sont plutôt nostalgiques de la période soviétique. Ouais. Mais qui est ce personnage, Loukachenko, qui surgit sur la scène politique ? Sa force, c'est qu'il peut se présenter comme un homme neuf, étranger aux magouilles des anciens dirigeants. Oui, mais enfin, d'où vient-il ? Bon, issu d'une famille modeste, membre du Parti communiste, il s'est d'abord signalé par la fermeté avec laquelle il a dirigé un sauve-cause, c'est-à-dire une ferme d'État. Puis, en 1990, il a été élu député au Soviet suprême. Mais c'est donc un apparatchik. Hein. Mais son franc-parler, sa proximité avec les petites gens avec lesquels il parle le biélorussien, tranche avec le discours convenu des autres politiciens. En outre, il s'appuie sur un groupe de jeunes députés très remuants. Mais c'est surtout sa volonté de lutter contre la corruption qui fait impression. Et il est élu. Et il ne va pas tarder à montrer qu'il est un partisan résolu de la manière forte. Rendez-vous avec X. Portrait d'Alexandre Loukachenko, je l'ai trouvé dans un article de Politique internationale sous la signature d'Alain Guillemolle. L'homme fort du Bélarus, pourrait facilement prêter à la caricature, avec son crâne dégarni, son épaisse moustache, sa voix nasillarde et ses tirades échevelées et émaillées de fautes de grammaire. Certaines de ses déclarations à l'emporte-pièce sont, il est vrai, ahurissantes. Au lendemain de la démission du chef du gouvernement, qui était en désaccord avec lui, à l'automne 96, le président a expliqué que ce n'est pas grave, car, à la différence d'une treilleuse ou d'un ouvrier, on peut toujours trouver un premier ministre. Ce grand amateur de hockey sur glace qui a couvert tout le pays de patinoires aime aussi fanfaronner. Si l'on organise une compétition de n'importe quel sport entre moi et mes collègues présidents, je gagnerai. Loukachenko donne rapidement le ton. Ça commence dès le mois d'octobre 1994. Le nouveau président abroge l'élection des administrateurs locaux. Puis il va petit à petit se débarrasser des jeunes loups qui l'ont aidé à s'emparer du pouvoir. Ouais, ceux qui l'ont fait roi. Oui, ouais. En même temps, il met en place tous les rouages d'un régime autoritaire. Censure de la presse, mainmise sur l'économie, révocation des principaux dignitaires de l'État et remplacement par des hommes qui lui sont tout dévoués. Mais il lui faut encore aller plus loin, en muselant le Parlement. Et c'est ce qu'il va réussir fin 1996, en faisant adopter par référendum une importante révision constitutionnelle. Ça lui permet de prolonger de 2 ans son propre mandat présidentiel, mais surtout, cette réforme aboutit à amoindrir les pouvoirs du Soviet suprême, qui ne sera plus qu'une chambre d'enregistrement des décisions prises par le pouvoir exécutif. Oui, c'est-à-dire par Loukachenko lui-même. Ainsi, les décrets présidentiels ont désormais force de loi. Loukachenko peut nommer et révoquer son Premier ministre selon son bon plaisir, et il nomme lui-même la moitié des membres de la Cour constitutionnelle. Ouais, et personne ne résiste ? Il y a bien eu des oppositions, mais il ne fait pas bon critiquer Loukachenko. En 1995, des députés entament par exemple une grève de la faim pour protester contre le projet de référendum. Le président envoie contre eux les forces spéciales du KGB. Ces députés sont frappés, puis expulsés sans ménagement du Parlement. Et pour faire bonne mesure, Loukachenko signera, en 1997, un décret au terme duquel les opposants sont purement et simplement assimilés à des terroristes. Ouais. La dictature est donc en place. Hein. Et comme dans tout système totalitaire, le pouvoir agite en permanence l'épouvantail de prétendus complots pour mieux réprimer ses opposants. Parenthèse édifiante. En 1995, Alexandre Loukachenko accorde une interview à un journal allemand. Et apparemment sans malice, il fait le panégyrique d'Adolf Hitler, l'un de ses inspirateurs, car dit-il, non seulement ce qu'il a fait en Allemagne n'a pas été entièrement mauvais, mais il a créé un modèle de république présidentielle en exaltant le rôle du chef de l'État. Ça, c'est au moins le mérite de la clarté. Hein. En même temps, je vous l'ai dit, Loukachenko a donné tout pouvoir à cette administration présidentielle qui gère en direct un grand nombre d'entreprises privées ou publiques, dont les profits viennent grossir la cassette personnelle du président. Et quelle est l'image de Loukachenko à l'étranger ? Elle se dégrade assez rapidement. Nous verrons plus tard les relations spécifiques avec la Russie en raison des liens anciens qui existent entre les deux nations. Mais avec l'Occident, ça se gâte. Dès 1997, la méfiance règne. Et la Biélorussie est éjectée de son poste d'invité spécial au Conseil de l'Europe. La raison ? Les États européens reprochent à la Biélorussie les atteintes aux droits de l'homme et un sérieux déficit démocratique. C'est bien dit, ça. Ouais. Ensuite, Loukachenko prend une décision inédite qui irrite le corps diplomatique. Au printemps 1998, il décide de construire les bâtiments de la présidence dans un quartier où sont traditionnellement regroupées les ambassades. Ah, il lui faut par conséquent expulser ses diplomates. Ah, une vraie provocation et une action entreprise au mépris de toutes les règles internationales. Aussi, les principaux ambassadeurs occidentaux sont-ils rappelés dans leurs pays respectifs. Ils ne reviendront que plusieurs mois plus tard. Mais le départ de ces diplomates n'a peut-être pas fâché Loukachenko. Expliquez-moi. Là. Parce que ça fait autant d'observateurs étrangers en moins dans le pays. Et à un moment où le président biélorusse accentue la répression, ce n'est pas négligeable. On va assister à partir de 1996 à de véritables procès politiques. Mmh. Des exemples hein. Bon, ça commence en 1996 avec la présidente de la Banque nationale, Tamara Vinikova. Que lui reproche-t-on ? Officiellement, elle est accusée d'avoir détourné des fonds. Officieusement, le BACTA, comme il aime à se faire appeler, met en cause son manque de docilité. Puis, en 1997, c'est le tour du ministre de l'Agriculture, Vassil Yavol. Et qu'a-t-on contre celui-là là ? Son ambition politique. À noter, et ça ne poussait pas Loukachenko à faire preuve de mansuétude, que cet homme avait été son supérieur hiérarchique au temps où il était directeur du Sovkhoz. Ensuite, en 1999, Mikhaïl Tchihir, ancien Premier ministre et compagnon de route historique de Loukachenko, comparé en justice. Son forfait ? Il n'a pas reconnu la réforme constitutionnelle de 1996 et vient de se déclarer candidat à l'élection présidentielle que l'opposition souhaitait organiser en 2000. Ouais. C'est donc une vraie déclaration de guerre contre Loukachenko. Là. Et pour le satrape biélorusse, c'est un crime de lèse-majesté. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 5 ans d'interdiction d'occuper un poste politique. Ouais, donc il ne pourra plus être candidat. Un concurrent a été éliminé. Et il faut noter que pour le condamner, on a prétexté un abus de pouvoir pour des faits qui remontent à l'époque où Tchihir était directeur d'une banque commerciale. Il n'a quand même pas écopé d'une très lourde peine. Vous avez raison, mais il s'agit d'une condamnation uniquement politique, comme les autres d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup plus grave. C'est quoi alors ? Toujours en 1999, on assiste à une véritable épidémie de disparition. De disparition physique ? Oui, des opposants, des journalistes dont soudainement on n'a plus de nouvelles. Et qu'on ne reverra jamais. En mai, c'est le cas de Yuri Zakharenko, un ancien ministre de l'Intérieur qui avait fondé une puissante et indépendante union des officiers rassemblant d'anciens militaires et des membres des services de sécurité. Une organisation qui pouvait à terme inquiéter Loukachenko. Oh, très certainement. Un peu plus tard, au mois de septembre, nouvelle disparition, celle de Viktor Kontchar, ancien vice-président du Parlement. Il était pressenti pour se présenter à la présidentielle de 2001. Puis c'est au tour de Dimitri Zavatsky, un journaliste de télévision qui était aussi le caméraman personnel du président. On l'a vu pour la dernière fois en juillet 2000 à l'aéroport où il attendait un ami. La veille, il avait démissionné afin de travailler comme correspondant en Biélorussie de la chaîne russe ORT. Une démission à laquelle s'était opposé son ancien patron. Ouais, c'est tout de même pas une raison pour l'éliminer, là. Très proche de Loukachenko, il connaissait peut-être quelques secrets que le président n'avait pas très envie de voir dévoilés. Mais bon, ça n'est qu'une hypothèse. Enfin, en janvier 2002, Youras Korban, vice-président du Front populaire biélorusse à Drazen et directeur du Centre pour les initiatives citoyennes, disparaît à son tour. Et qui se trouve alors derrière ces disparitions ? Bon, à l'évidence, c'est le pouvoir qui a créé un véritable escadron de la mort chargé d'assassiner tous ses opposants. Un petit commando d'hommes recrutés au sein des forces spéciales du ministère de l'Intérieur. Et le donneur d'ordre alors ? Bon, ça ne peut être que Loukachenko en personne. Mais bien sûr, le président biélorusse a toujours nié. Et pour répondre à ces rares accusateurs, il a mis en cause un obscur complot occidental. Ouais. Vous parlez d'escadrons de la mort, mais existe-t-il des preuves ? Oui. Quelques magistrats courageux et des enquêteurs privés ont réuni assez d'indices pour nourrir l'accusation contre le pouvoir central. Mais naturellement, Loukachenko a fait le gros dos. Et les enquêtes n'ont pas débouché, bien au contraire. Hein. Très proche du président, dont la responsabilité dans ces disparitions était visiblement engagée, a été nommé à la tête de la procurature. Afin d'étouffer ses affaires. Hein. Et Loukachenko a été réélu sans difficulté en 2001 pour un deuxième mandat. Avec un score quasi-soviétique, il a recueilli 75% des voix. Grâce à la fraude ? Bon, en tout cas, l'OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, a refusé de valider cette élection. Avec X, Patrick Pénaud. Roumiana Ougarchinska a publié il y a quelque temps un ouvrage KGB et compagnie où elle a observé systématiquement dans les anciennes démocraties populaires d'Europe de l'Est ce qu'il demeurait des tentacules de l'ex-KGB. Extrait du chapitre consacré à la Biélorussie. Le groupe de tueurs, dirigé par l'agent spécial Dmitri Pavlyuchenko, serait responsable de l'enlèvement et de l'assassinat de Zavadsky, Gonchar, Krasovsky et probablement du général Zakharenko, dont les corps seraient enterrés dans un cimetière au nord de Minsk, près de l'hôpital de Novinki. L'enquête préliminaire initiée par l'ancien chef du KGB Matkevitch et l'ancien procureur général Bozalko, sur la base des aveux partiels du chef de cet escadron de la mort, avait été interrompu sur ordre de ses supérieurs. La fouille du cimetière avait été interdite et l'agent Pavlyuchenko relâché au bout de 48 heures. Loukachenko profite de son deuxième mandat pour verrouiller encore un peu plus son pays. Ainsi, il ordonne la fermeture de la seule université privée du pays. Autre mesure autoritaire, il décide de supprimer les contrats d'emploi à durée indéterminée. Ah oui, avec quel objectif ? En incitant l'autorité à la précarité, le pouvoir est certain de mieux contrôler la loyauté politique des salariés. Désormais, il n'existe plus que des contrats d'un an renouvelables. Mais en 2004, il veille à garantir sa propre fonction. Un nouveau référendum l'autorise à briquer un troisième mandat présidentiel. Non, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Et en 2006, il est donc un nouveau candidat. Mais il prend ses précautions. L'un de ses concurrents est arrêté et condamné à 5 années de prison pour hooliganisme et conduite contraire aux bonnes mœurs. Et 3 jours avant le scrutin, le patron du KGB annonce avoir découvert un complot. Par conséquent, tout manifestant sera considéré comme terroriste. Est donc passible d'une peine de 25 ans de prison, et même de la peine de mort. Oui, et bien sûr, le père de la patrie, le Batka, est réélu. Avec un score tout aussi confortable qu'en 2001. Au cours d'une rencontre avec des journalistes ukrainiens, Loukachenko admet qu'il a falsifié les résultats. Ah, enfin, un aveu de fraude. Oui, mais ce qui ne va pas dans le sens que vous attendez. Loukachenko déclare qu'en réalité, il a été élu avec plus de 90% des voix. Ce résultat ne lui a pas semblé correspondre aux standards européens. Par conséquent, il a ordonné à la commission électorale de ne lui accorder officiellement qu'un score inférieur. C'est stupéfiant. En tout cas, aucun chef d'État ne se déplace lors de l'investiture de Loukachenko. Même Poutine s'abstient de paraître à Minsk. Le président biélorusse essaie pourtant de rompre son isolement. Ainsi, en 2009, en dépit du fait que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de refuser tout visa d'entrée pour Loukachenko et quelques-uns de ses proches, le président biélorusse se rend en Italie et il y rencontre le pape et Berlusconi. Ouais. Mais il reste toujours le mouton noir de l'Europe. Hein. Et alors que la situation économique intérieure ne cesse de se dégrader, il quémande un prêt de l'Union européenne. Réponse de Bruxelles ? D'accord, si les prochaines élections sont démocratiques. À noter que le FMI, le Fonds monétaire international, n'a pas éprouvé ce genre de pudeur. Il a accordé à la Biélorussie un prêt de plus de 3 milliards de dollars. Quand doivent intervenir là, ces nouvelles élections ? Au printemps 2011, mais Loukachenko les avance de plusieurs mois. Elles vont donc avoir lieu en décembre. Et pourquoi alors ? Parce que le président estime que le froid hivernal découragera les opposants de manifester. Oui. Et c'est le cas ? Non. Mais Loukachenko a tout prévu. Sur les lieux de la manifestation, la police dépose des barres de fer, des bouteilles de vodka et même des seringues. Et la télévision filme obligeamment ces preuves qui attestent que ses opposants ne sont que des dépravés. Oui. Et est-ce que ça suffit à les déconsidérer ? Non. Et après l'élection gagnée une fois de plus par Loukachenko, de violentes manifestations se déroulent à Minsk. La répression est féroce. Les arrestations nombreuses. Et parmi les gens qui sont conduits en prison se trouvent les candidats à l'élection présidentielle qui ont osé affronter Loukachenko dans les urnes. Ouais. Est-ce que toutes ces mesures de répression là, lui permettent de faire taire ses adversaires ? Non. Tous les mercredis, il se retrouve sur les places des principales villes et défile silencieusement, mais en applaudissant. Cependant, malgré le courage de ces manifestants qui sont régulièrement arrêtés, ce ne sont pas eux qui parviendront à faire tomber Loukachenko. À qui alors ? Le Kremlin, s'ils s'en donnent vraiment les moyens. Et si les dirigeants russes profitent de la formidable dégradation de la situation économique de la Biélorussie. En 2011, le pouvoir a dû dévaluer à deux reprises et le rouble biélorusse a déjà perdu plus de 60% de sa valeur. Alors pour vous, c'est donc Moscou qui détient les clés ? Écoutez, un petit retour en arrière. Loukachenko a d'abord entretenu d'excellentes relations avec le pouvoir russe du temps de Boris Eltsine. Il a même été question de créer une confédération entre les deux pays. Et Loukachenko se serait bien vu présider cette nouvelle entité. Mais avec l'arrivée de Poutine, ça se gâte. Mais pourquoi alors ? Il y a plusieurs raisons. La Biélorussie coûte très cher à la Russie. Moscou lui consent, en effet, des livraisons de gaz à taux préférentiel. Ouais, alors les Russes ont donc le sentiment de financer par ce biais l'économie biélorusse. Et ils voudraient bien bénéficier de contreparties. Mais quoi ? Quelle ? Pouvoir acquérir des actions de Beltrangaz, la compagnie biélorusse, qui gère la distribution du gaz. Et Minsk demande un prix exorbitant. Donc, on assiste entre les deux pays à une véritable guerre d'escarmouches à ce sujet. En 2004, Moscou interrompt brutalement ses livraisons pendant quelques jours, avant de les rétablir. Moscou a donc temporisé, là. Oui, parce que paradoxalement, Minsk est en position de force. Les gazoducs qui alimentent en gaz l'Europe de l'Ouest, traversent le territoire biélorusse, vous comprenez ? En outre, pour Poutine et Medvedev, il y a certainement la crainte que la Biélorussie ne finisse un jour par basculer dans le camp occidental. Ouais, ça, c'est une menace que doit brandir Loukachenko lorsque la pression russe devient trop forte. Certainement. Et cependant, d'un autre côté, comme l'économie biélorusse ne cesse de se détériorer, il doit forcément donner des gages à Moscou. Et petit à petit, Loukachenko doit accepter que les Russes prennent des participations de plus en plus nombreuses et importantes dans les entreprises de Biélorussie. Déjà, après s'être emparé de la moitié des actions de Beltrangaz, la tentaculaire compagnie Gazprom vient d'en prendre le contrôle. Ah oui, alors Loukachenko a fini par céder. Contraint et forcé. Depuis novembre dernier, la donne a changé. Avec la mise en activité du gazoduc de Nord Stream, qui passe sous la Baltique, les tuyaux biélorusses ont perdu de leur importance. Par conséquent, si Loukachenko veut continuer à bénéficier d'un gaz bon marché, il doit s'incliner et accepter que les oligarques russes s'emparent des principales richesses économiques de son pays. C'est une sorte de colonisation, ça. Et c'est Poutine qui détient maintenant le sort du dictateur biélorusse entre ses mains. Et il le fera tomber quand il le voudra. Assurément. Mais peut-être se contentera-t-il d'un voisin et allié muselé, donc inoffensif, ce qui n'empêche pas Loukachenko de poursuivre sa politique autoritaire. Dernière lubie, il est désormais interdit aux citoyens de Biélorussie, sous peine d'une forte amende, de consulter des sites internet étrangers. Un livre qui éclaire la question biélorusse, Biélorussie, la mécanique d'une dictature, un ouvrage de Jean-Charles Lallemand et Sylvie Simaniek. Vous en trouverez les références sur franceinter.fr. À samedi prochain, Pierre Firsion et Rebecca de Nantes ont préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou, Fabrice Lègue et Monsieur Jou pour ses petites notes cristallines.